Mesdames et messieurs, préparez-vous à embarquer sur l'arche. Vous êtes prêts ? Entrez dans l'atmosphère sur l'arche.fr pour la sortie de son nouvel EP. Atmosphère reçoit Mao sur l'arche. Bonjour, bonsoir à tous, ici Mathéo, votre capitaine de bord. Je vous annonce que vous êtes sur l'arche en compagnie de Cyprien. Salut à tous! Toutefois, nous allons traverser d'ici quelques instants une perturbation sonore de quelques dizaines de minutes. Bienvenue dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, on parle de tout, de musique, de vidéos, mais aussi de nouvelles technologies, etc. Aux commandes, vous découvrirez un duo de passionnés motivés à partager avec les jeunes auditeurs de l'arche. Aujourd'hui, on accueille Mao et on commence tout de suite avec le sommaire de l'émission. Alors très content de vous retrouver dans cette nouvelle émission avec Mao. Alors aujourd'hui pour la sortie de ton nouvel EP Mao, le 24 novembre dernier, on va parler musique de ton EP évidemment, de ton parcours, de tes futurs projets. On aura l'occasion d'écouter tes sons en live dans quelques instants, mais nous reviendrons aussi sur l'actu musicale du moment, dont notamment la programmation des Vieilles Charrues qui vient d'être annoncée. On va s'amuser tout au long de cette émission d'atmosphère, plein de surprises prévues. Avant tout, c'est I'm Right, ton nouvel EP que tu viens de sortir le 24 novembre dernier. Alors la question qu'on peut se poser déjà, c'est où on peut le retrouver, où est-ce qu'on peut l'écouter ? Alors mon EP, on peut le retrouver sur toutes les plateformes musicales, donc Spotify, Deezer, Apple Store. Je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est principalement à peu près partout, donc YouTube notamment. Sur LBL Records ? Vous tapez en fait sur YouTube LBL Records, Mao, et on les trouve. De qui t'es-tu entouré pour refaire ce projet ? Alors ce projet, du coup, nous sur scène à la base, en plus, on est deux. Donc il y a mon directeur artistique qui est au pad derrière moi. Donc je me suis entourée de mon directeur artistique, de mon tourneur, donc Matt, de Swiss Studio, Wii Studio. Ouais. Et puis de toute mon équipe, de tout mon label, de tous les gars avec qui je bosse. Donc on s'inspire les uns les autres. Et puis, okay. Et puis voilà. Et pour l'instant, tu as eu de bons retours sur l'EP ? Ouais. Bah, ça m'étonne pas. pour l'instant, si tu avais un mot pour décrire cette EP ? Ah, je dirais le move. Le move ? Ouais. Pourquoi ? Ah, parce qu'il y a un truc qui s'en dégage, ça donne envie de bouger. Ça donne envie vraiment de... Et c'était l'intention que tu avais au moment où tu l'as créé ? J'avais pas d'intention profonde, en fait, en faisant cette EP. Je me laissais un peu porter par les gens avec qui j'étais, par le mood vraiment de chaque session studio. Et le résultat, je trouve que ça reflète bien la personne que je suis. C'est vraiment du dynamisme. Il y a des petites touches un petit peu mélancoliques aussi. Donc c'est comme un petit diamant, quoi. Comme okay. Cassette, il t'a mis combien de temps à le faire, cet album, cette EP ? Oh là là, lui, il a vraiment mis du temps. Il a mis du temps. Plus d'un an, je crois. Ouais, on a galéré. Oh là là. C'est quoi les galères principales un peu ? Disponibilité. À chaque fois que j'avais une envie, hop, j'en avais une autre qui popait derrière, donc forcément suivre et finir les musiques, c'était compliqué, mais compliqué. Parce que dès qu'on arrivait à une autre session studio, on réécoutait la musique et on fait « bah non, ouais. on refait un autre truc derrière ». Ouais, voilà, vouloir toujours être meilleur. Toujours. Ok, bah écoute, on ira écouter ça. Et moi, la question que je me posais, c'était quels artistes tu t'es inspiré un peu pour faire cette EP ? Quels artistes t'écoutes au quotidien ? Au quotidien, moi, j'écoute beaucoup. J'écoute du Janis Joplin, comme je peux écouter du Childish Gambino. J'écoute vraiment de tout. J'écoute du Val, j'écoute du Orelsan, j'écoute du rap, j'écoute du reggae. Vraiment de tout, de la pop. Et donc, tu t'inspires vraiment d'un peu tout, quoi ? Je m'inspire malgré moi, parce que j'aime tout, en fait. Ouais. J'aime tout, donc. Si ça transparaît dans les sons, tant mieux. Et donc, du coup, si t'avais un son là que tu pourrais nous faire écouter là, à la radio maintenant ? Là. Ouais, maintenant là. Alors, ce serait Lord Urim, The Night We Met. C'est la petite touche mélancolique. Je te propose qu'on écoute ça maintenant sur l'arche. Avec plaisir. Vous êtes dans l'atmosphère. On s'écoute tout de suite le morceau de l'invité. I am now Comme l'annonce toujours le jingle, vous êtes toujours dans l'atmosphère sur Large. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mao. Alors voilà, on va procéder à la première petite partie d'interview qui concernera un petit peu ton passé, ton parcours. Tu l'as passé où, ton enfance ? J'ai passé en Bretagne. J'ai passé les trois premières années de ma vie dans le Pays Basque, là où je suis née. Donc voilà, les origines. Et pour venir m'installer en Bretagne. Donc voilà. D'accord. Et donc du coup, tu dis que tu as toujours été dans la musique. Est-ce que tu as commencé à chanter très tôt ? Est-ce que tu étais juste la musique ? Est-ce que tu as joué d'un instrument ? Je jouais pas d'instrument. Je jouais du piano en autodidacte sur le vieux piano de ma tante dès qu'on allait voir mes cousins. Et après, j'écoutais tout le temps de la musique. Ouais. J'étais obligée d'écouter de la musique. Je chantonnais, mais je savais pas que j'avais forcément une voix pour chanter. Mais j'ai toujours aimé la musique et après, on m'a inscrit dans des chorales. D'accord. Voilà. Et à partir de quel âge, du coup, t'as commencé à chanter ? À partir de, je sais pas, moi, peut-être 12-13 ans, où j'ai vraiment commencé à chanter dans des chorales, dans des clubs. Ça te plaisait de chanter dans les chorales et les ouais, clubs ? Franchement, ouais, j'adorais ça. Tu faisais des spectacles de Noël ? Oui, c'est ça, même du théâtre. Je m'inscrivais à des cours de théâtre avec mon école et puis on faisait des spectacles de fin d'année où on chantait, on dansait. D'accord. Et donc, et t'as continué à prendre ces cours-là de chant et de. Non, parce que c'était pas vraiment des cours. En fait, au final, on nous donnait pas de cours. Moi, les seuls cours de chant que j'ai eu, c'est pendant mon dispositif Go à l'Econova l'année dernière. D'accord. C'est juste les seuls cours que j'ai eu. Des cours plus techniques, quoi, du coup. Exactement. Pour éviter de s'abîmer la voix, pour passer en voix de tête. Donc, c'est des trucs que je sais que je dois encore travailler pour tenir. Quoi. Ouais, pour perfectionner toujours. Exactement. Et on peut voir sur ton compte Instagram que tu mènes plusieurs arts, que tu exerces plusieurs arts. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Vous êtes allé voir. Donc, je dessine, je peins et j'écris de la poésie française, donc pas anglaise malheureusement, mais française. Mon père est metteur en scène, donc à l'opéra, il m'a fait beaucoup bouger quand j'étais jeune, donc j'ai pu rencontrer pas mal de personnes, dont des poètes, des dessinateurs, ça m'a vraiment inspiré, je pense, malgré moi. Et est-ce que quand tu dis que tu peins et que tu dessines, est-ce que tu aimerais exposer ou est-ce que j'expose déjà. D'accord. Et là j'attends de récupérer des œuvres qui sont bloquées depuis un an. C'est-à-dire ? Dans, je ne sais pas si vous voyez la jam session, le bar qui a fermé. Je devais exposer juste avant que ça ferme. Et les toiles, bah, je les ai pas. Elles sont bloquées dans le... Voilà, elles sont bloquées dans le local. Et tu aimerais les exposer où maintenant alors, du coup ? Je sais pas, je vais aller me renseigner dans Van, voir s'il y a des petits lieux d'exposition sympas pour checker ça. Et ben, nous on diffusera cette information parce que ça peut être super intéressant d'aller te voir. Bien. Alors là, avec plaisir. Ouais. Plus ta carrière de chanteuse, comment ça a commencé ? Comment tout s'est entraîné ? Alors j'avais déjà raconté ça sur un live, dans un live ici, bah, à Large. Donc c'est Tutu, mon directeur artistique, qui m'a trouvé dans la rue devant la jam session. Donc j'étais en train de faire de la musique sur le trottoir avec des gars que je connaissais pas, on se connaissait pas. On chantait tous ensemble. Puis il est venu vers moi, il m'a demandé mon blaze. Et puis le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, j'étais au studio en train d'enregistrer déjà. Trop stylé, ouais. Voilà Edith Piaf quoi. Ouais c'est ça s'est fait vraiment mais pur hasard quoi. J'aurais pas été là, il aurait pas été là, bah voilà, je serais peut-être jamais là. C'est stylé. C'est incroyable. Et donc ton parcours là il commence à prendre vraiment de l'ampleur, ça commence à bien fonctionner pour toi. Tes projets sont de plus en plus aboutis. Mmh. Jusqu'à maintenant, quelles ont été tes difficultés ? Alors mes difficultés c'est peut-être l'organisation, la récurrence et le choix vraiment final des choses. Se décider sur plusieurs exemplaires. Essayer de se caler sur quelque chose et de le garder et de s'y garder. D'accord. Eh ben écoute, merci pour cette petite interview. Ça permet de comprendre un peu plus le personnage. C'est ça. Du coup, tu t'exprimes vachement dans tes chansons. Tu essaies de faire des chansons qui sont très personnelles. C'est ça. Surtout dans Follow Me, les trucs un peu plus mélancoliques. Je m'y retrouve. D'accord, très bien. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous joues un premier morceau directement ici dans notre studio de Large. Très bien. Ça sera avec plaisir. Vous êtes sur Large, vous écoutez l'Atmosphère. Et aujourd'hui, on est avec Mao, on écoute Dance. I need you on the dance floor. I need you, but I want more. Every time you dance with me. Oh, dance with me. Dance with me. Oh, dance with me. Dance with me. Dance with me. Oh, dance with me. You feel it's moving fast and there's a tackler. Like you're never gonna stop it. My God, you electrify me. With all your mystery. Take off your big eye to take off my dress. Now pull up my misery. Cause I'm pleased to be right in paradise. In the Narira. In the Narira. In the night, I need you on the dance floor. I need you, but I want more. Every time you dance with me. Oh, dance with me. Dance with me. Oh, dance with me. Dance with me. And the light, you're like a monochrome in this dark room, like a blossom in this war zone, like a rocket on my own, and we rise in the Narira, in the Narira, in the Narira. I need you on the dance floor. I need you, but I want more. Every time you dance with me. Oh, dance with me. Dance with me. Oh, dance with me. Dance with me. Dance with me. Oh, dance with me. Thank you. De retour sur l'art, je venais d'écouter Dance de Mao, notre invité du jour. Retrouvez partout sur YouTube, sur Deezer. Tapez Mao, M-A, avec le O avec une petite barre. Oui, compliqué. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé un truc pas mal. C'est Google qui a sorti une étude où il a classé les recherches effectuées sur son moteur de recherche par catégorie. Mmh. Donc, je vais vous poser une question. Enfin, par exemple, le sportif le plus recherché en 2018, je vous propose trois réponses. Vous devez deviner laquelle c'est. Et il y a des trucs, c'est assez improbable. Ah, du coup, on va commencer par le sportif le plus recherché en 2018. Est-ce que c'est Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Rocco Siffredi? Rocco Siffredi, je suis sûre que c'est ça. Déjà, le mettre dans la catégorie sportive, c'est osé. Oh ouais, bah, c'est un sportif. Hein. Un athlète. C'est un athlète. Allez, Mbappé. Et bah, c'était Antoine Griezmann. Mais non, oh, mais c'était facile ça. Alors, j'ai carrément le top 10. Donc, le premier, c'est Antoine Griezmann. Le deuxième, c'est Didier Deschamps. Et le troisième, c'est Benjamin Pavard. Et lui, Kylian Mbappé, il est dixième. Et Rocco. Et Rocco. Rocco c'est toi qui l'as rajouté. Ah là là, non, je suis pas à voir. Alors, dans les films les plus recherchés, est-ce que c'est Taxi 5, Deadpool 2 ou Black Panthers? Ah, je dirais Deadpool 2. Deadpool aussi, ouais. Ouais. Bah non, c'est Black Panthers. Ah là là, j'aurais été sûr. Ah ouais. C'est vrai qu'il a fait un bon buzz. Et je l'ai pas vu d'ailleurs Deadpool 2. Ah, tu dois le voir. Il est trop bien. Ah, Deadpool. Ouais. Le 2. Je l'ai pas vu non plus par contre. Deadpool. Deadpool 2, il est 7ème. Et Black Panthers non plus, j'ai pas vu. Black Panthers, c'est le premier. En deuxième, Taxi 5. Et en troisième, Star is Born. En deuxième, Taxi 5. Ouais. Oh mon dieu, non. Le métier maintenant le plus recherché, est-ce que c'est pompier, acteur ou gendarme? Gendarme. Ouais, gendarme aussi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ouais, ça m'étonnerait pas. Et ben non, c'est pompier. Et zéro, les gars. Non, on est pas bon. Oh non, on est. Ok, donc maintenant, on va faire un truc, c'est on va classer dans l'ordre de l'actu la plus recherchée. Donc il y a trois actualités. Et quelle est la première, quelle est la deuxième, quelle est la troisième dans le top 3? Est-ce que si on va y arriver? Alors, est-ce que c'est France Gall? Alors, il y a France Gall, Gilets jaunes et Coupe du Monde. Ah, je dirais... En 2018. En 2018. Ouais, je dirais Gilets jaunes, Coupe du Monde et France Gall. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je sais pas, parce que l'événement de Coupe du Monde, au final, il a duré quand même plus longtemps. Ah oui, c'est en que 2018. La Gilets jaunes. 2018. C'est tout 2018, c'est pas actuel. Donc, même Coupe du Monde, on en parlait pendant le printemps et tout. Ouais, je dirais Coupe du Monde, puis Gilets jaunes, puis France Gall. Et France Gall. Pourquoi France Gall? France Gall, elle est. Bah en premier c'est Coupe du Monde, en deuxième c'est France Gall, et en troisième c'est Gilets jaunes. Il nous a dit trouver le premier, pas le deuxième. Ouais, mais non, mais grâce Gilets à jaunes, toi, c'est troisième. On a un sur trois. Ouais, avec France moi. France Gall, mais... c'est deuxième. Ouais. Je sais pas ce qu'elle a fait de spécial, mais. Bah, c'est France Gall en fait. Ouais, voilà. C'est juste France Gall. Alors maintenant, ça c'est le plus intéressant, je trouve, c'est les pourquoi. Donc les gens ils posent des questions pourquoi, Ouais. Alors la première, c'est pourquoi Griezmann joue en manche longue, pourquoi il n'y a pas de direct à Koh Lanta, et pourquoi la mer est salée. On a des gens qui cherchent. Je sais pas, tu dis quoi, Thomas? Moi, je dis que le monde va mal, mais après ça, c'est tout. Parce que vraiment, c'est impressionnant. Oh, les manches longues de Griezmann, je pense. Ouais, il y a les manches longues de Griezmann et la mer salée, c'est en dernier, franchement. Celui qui se pose la question. Je sais pas s'il est vraiment dernier. Hein. Mais... Allez, vas-y, balance. Alors, la première, bah, c'est Antoine Griezmann. Ah, bien, oui. Yes. Ça veut dire que la question la plus posée sur Google, c'est pourquoi Antoine Griezmann joue en manche longue sur le terrain. C'est ouf. C'est assez triste quand même. Ensuite, quand même. Ouais. Pourquoi pas de Koh Lanta en direct, c'est le 8ème. Et pourquoi la mer est salée, c'est le 9ème truc le plus cherché sur Google. On a bon du coup. Ouais. Ouais, en soi, ouais. Dans l'ordre de propositions, ouais. Oh, parce que, ouais, il y a quand même des gens qui se posent comment la mer est salée, quoi. C'est la 9ème question la plus recherchée sur Google. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est quand même plus intéressant que pour savoir pourquoi. Griezmann joue. Oui, mais je veux dire, c'est logique. Parce qu'il y a vraiment une réponse à ça en plus. Mais c'est ça, Antoine Griezmann, il joue en manche longue. Je crois que c'est pour un rapport avec Beckham qui jouait en manche longue. Ah ouais? Ouais, j'avais vu une interview de lui qui disait ça, qu'en fait Beckham joue en manche longue parce que. Beckham est un homme de classe. Oh, pardon. Et non, c'est, voilà, c'est son joueur. Enfin, c'est vrai, c'est un peu son idole. Et du coup, pour un petit peu faire un lien avec lui, il a toujours voulu jouer avec lui. C'est un hommage, un petit peu. Ouais, c'est ce que j'avais cru. Bon, bah, je crois que ça marche bien, écoute. Hein. Donc, ça fait buzz en plus. C'est ça. La célébrité la plus recherchée. Alors, c'est ce que c'est Laetitia Hallyday, Caris ou Pamela Anderson? Ah, je dirais Caris. 2018. Aucune idée. Caris, peut-être avec les événements de Caris. Ouais, Booba. Moi je dis, ouais. Avec les parfums sur la tronche, là, dans l'aéroport. La plus recherchée, c'est Laetitia Hallyday. Caris, lui, il est en 5ème position et Pamela Anderson en 10ème. Ouais, ça va, on n'a pas totalement. Donc, c'est Laetitia Hallyday la plus recherchée. Et en 2ème position, je connais pas, c'est Meghan Markle. Meghan, ça doit être une actrice. Oui, je pense que ça doit être ça. Plutôt jolie. Et ensuite, pour terminer, quelle est la parole de chanson la plus recherchée en 2018? Est-ce que c'est Merci? Merci, merci là. Est-ce que c'est Bella Ciao de Casa de Papel? Bella Ciao. Ou est-ce que c'est la Marseillaise? Bella Ciao. Ouais, Bella Ciao quand même. Ouais. Stamattina, yes, sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Donc, Mao, si on reprend un peu ton actualité, tu fais partie du LBL Records. C'est ça, c'est donc ça. Donc on aura l'occasion d'en reparler un peu après, mais dans ce label on retrouve Lions, le groupe devenu référence sur Van. Ils viennent de taper les 100 000 vues sur leur clip Loin d'ici et ils sortent leur ils sortent leur nouvel album le 15 janvier. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on s'écoute Terre Mère de Lions sur Large, leur nouveau clip dispo sur YouTube. Allez tous voir. J'ai appris, j'ai compris. On te rabaisse, on t'opprime. Ton prochain est passé à tout prix. Pendant que toi, tu pardonnes et tu pries. Comme veuve, tu te sens toute seule. Malgré les aides humanitaires. Ce qu'ils veulent, c'est ce que t'as sous ton sol. Berceau de l'humanité. Pendant qu'Iblis divise tes fils. Manque de visa, pousse à lâcher prise. Fuis les bruits, décalage ou pire. Pisse, le temps de voir un sourire qui se dessine. J'ai semé ma haine, déterré ma rage. J'ai gardé mes racines. Rendez-nous la terre mère avant qu'elle ne meure. Son histoire et sa fierté l'appartiennent de plus que sa liberté. Rendez-nous la terre mère avant qu'elle ne meure. Son histoire et sa fierté l'appartiennent de plus que sa liberté. Africa. Même pas quoi faire de nos terres, ils sauront jamais quoi faire de nous. On défend nos noms, nos valeurs, et nos ancêtres sont fiers de nous. Quand j'étais petit, je regardais la mer, je me demandais à quoi après l'horizon. En fait, juste des pays qui se font la guerre pour le pouvoir, mais pas pour les mêmes raisons. Ils négligent nos capacités intellectuelles, c'est sur nos forces que l'on mise. Et vu la situation actuelle, rendez-nous nos terres promises. Si jamais tu perds, tu réussis, tu gagnes des millions, ils vont faire de toi leur bête noire. L'Afrique dans mon cœur, dans mes gènes. Si ça vous gêne, restez loin de moi. Rendez-nous la terre mère avant qu'elle ne meure. Son histoire et sa fierté l'appartiennent de plus que sa liberté. Rendez-nous la terre mère avant qu'elle ne meure. Son histoire et sa fierté l'appartiennent de plus que sa liberté. Pour la sortie de son nouvel EP. Atmosphère reçoit Mao sur Large. De retour sur Large dans l'atmosphère, toujours avec Mao. Salut, salut. On enchaîne sur l'interview présent-futur. Ses projets actuels, ses présents-futurs. Ça va parler sérieux là. Ah oui, alors Mao, ton EP est juste superbe. Vous avez écouté un extrait tout à l'heure, on va se refaire dans quelques instants. Mais moi, la première fois que je l'ai écouté sur ton EP, et quand je l'ai fait écouter à des potes, etc., on m'a posé toujours la même question, toujours la même réflexion. Vas-y. Est-ce qu'on te compare souvent à la chanteuse Jane? Oui, à Jane et à Zaz, à mon plus grand désarroi. Ah ouais? Non, non, je plaisante. Non, non, non, non. Je plaisante. Mais c'est vrai que ouais, Jane, souvent, vraiment très souvent. Ouais, parce que moi directement, on m'a dit, à chaque fois que j'ai faisais écouter cette base pour nous, à chaque fois vous savez, mais on dirait Jane, c'est Jane. Ben oui, ouais. C'est un peu le même grain. Les instruments aussi qui se ressemblent. Oui. Un peu. Parce que là, ce qu'on écoute en fond, c'est du Jane. Et si on compare avec du Mao, c'est un peu la même chose. Enfin, si on peut pas en comparer, mais. Ah oui, ouais, effectivement. Mais j'avais jamais écouté les deux comme ça. Et là, même moi, ça me perturbe. Là. Tu es en train de me perturber. Ça prouve que tu copies pas, au moins. Oui, voilà, c'est clair. Ah non, non, non, non, non. Alors, on va parler un peu de ton actu. Ton EP vient de sortir. Tu as d'autres projets pour la suite, pour les prochains mois, les prochaines semaines. Oui, oui, oui, oui, oui. Des concerts, des festivals ou... Alors, du coup, nous, on fait la première partie de Soumti le 9 mars à l'Econova. Ouais. Donc, entrée payante, tout ça, faut réserver ou je ne sais quoi. Ouais. Mais je pense que c'est un très bon tremplin pour nous. Donc, une source de stress, mais très bon tremplin. Et puis, peut-être un projet aussi, futur projet en français. Vu que j'écris de la poésie française, je me dis que lier les deux... ça peut être un très très bon melting pot. Tu penses que tu pourrais mettre en musique justement certains textes? Eh ben justement, je sais pas. Je suis en train de bosser dessus, on est en train de bosser dessus. Quand tu dis on, en c'est... studio, bah moi et tu quoi. Ouais, d'accord. Vu qu'on est pairs tous les deux, lui il fait mes prods, moi je chante. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre, un bon équilibre entre nous deux. Ouais. Une bonne osmose. Donc on y travaille. Et des festivals pour cet été, etc. Y a pas de... Là, il y a notre tourneur qui est sur le coup. Donc il est en train de nous gérer des trucs. Mais moi, après, j'ai rien de concret à vous annoncer là pour l'instant. Okay. À mais part la... Parce que c'est bien les premières parties que ça. Parce que moi, Lion, je les ai connus. C'était la première partie de Columbine au manège. Ah, c'est là où tu les as connus. Mais j'y étais. J'étais en loge, moi. Avec... Bah, c'est à ce moment-là que je les ai connus. C'était la première partie chez Lourd et tout. Enfin, après, j'ai vu que c'était de Van et tout. Je me suis renseigné. C'est quand on les a invités dans une émission. Quand il a lancé l'eau sur le public. Oui, je me rappelle. Et ouais, donc c'est pareil, les premières parties c'est bien pour se faire connaître souvent. C'est ça. Et puis Soumti, je trouve que ça matche bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et bah, du coup, en parlant de Lions, il y a un album qui sort le 15 janvier qui s'intitule NMG. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau feat Mao et Lions Dans cette EP là dans le nouvel album qui sort Dans le nouvel album, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et on disait d'ailleurs que tu faisais partie du label Elbel Records. En deux mots, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du label, si tu peux en parler. Alors, beaucoup de rap, de... un peu des sonorités hip-hop, dance. Sur Van. Ouais, sur Van. Et ton son dance, il est sorti sur YouTube et il est réalisé par Supervision. Il y a des magnifiques plans, etc. Donc, on peut savoir où est-ce que vous avez été filmé à peu près À Paris. C'était à Paris? Ouais, c'est tout à Paris. En une journée, on a fait tout ça. Parce que les premiers plans étaient avec les colonnes et tout, ça fait un peu graisse et tout. Et puis après, c'est Paris. Et c'est les plans aussi, c'était les plans en à moitié carré où il y a plein de motifs sur les côtés. Vous avez réussi à trouver ça où? Les plans à moitié carré. Les plans où tu étais à l'intérieur, où c'était vraiment englobé. Et bien ça, c'était par pur hasard. On arrive, on était dépité de notre journée. C'était la fin de journée. Puis on voit ça, popé dans Paris, vraiment c'était très éphémère. Et puis on dit bah ça va sauver le clip. Et pourquoi le choix de chanter en anglais? Parce que j'ai toujours trouvé la langue anglaise très chantante par rapport à la française. Faut juste que j'arrive à l'apprivoiser. T'as des facilités ou enfin... Oui, aussi. Donc ça aide. Ouais. Et pour les personnes qui viennent de te découvrir, qui veulent te suivre, etc., on peut trouver sur les réseaux Alors sur Facebook, donc j'ai une page pro Mao, M-A-O barré. Ouais. Vous allez trouver facilement. Et via ça, je crois que vous pouvez trouver mon compte Instagram. Donc c'est Mao LBL Records. Donc M-A-O barré aussi, je crois. Ouais. Et voilà. Autrement, vous avez accès aux deux. Ouais, merci à toi. Donc allez tous voir Mao, M-A avec le petit O barré. Voilà. Son nouvel EP I'm Right, il déchire tout. Retrouvez tous ses clips sur YouTube aussi. Dites tout ce que vous en pensez sur les réseaux d'Atmosphère, @Atmosphère sur Facebook et Instagram. Et on va s'écouter un nouveau live de Mao. T'es prête? Je suis prête, c'est parti. On s'écoute Follow Me sur Large. My Vous venez d'écouter Mao, Follow Me en live, vous pouvez retrouver ce son partout sur les plateformes de streaming. Du coup là maintenant, il y a les Vieilles Charrues qui viennent d'annoncer il y a pas longtemps leur programmation. Du coup, prochainement sur la catégorie musicale, on va parler un peu des Vieilles Charrues avec Mathéo. Ouais, dans un premier temps, une annonce un petit peu insolite, c'est Booba qui sera Vieilles Charrues. Si tu fais des marmots, pense à être là. Booba, que vous n'auriez jamais entendu parler de lui, c'est un rappeur, entrepreneur et investisseur français. Il commence dans le reggae game dans les années 90 avec le groupe Lunatic en collaboration avec Ali, un fortement influencé par le rap américain et surtout new-yorkais. Lunatic, c'était des titres à succès comme Le Crimpé en 96 ou Les Vrais Savres en 97 et surtout un album disque d'or, Mauvais Oeil. Le groupe se dissout et sa carrière commence dans les années 2000. Récemment, il a clippé le titre Petite Fille issu de l'album Trône. Ce clip est particulièrement bien réalisé. Le paysage est d'îles désertes et le ciel étoilé est splendide à voir. Il y aura Martin Garrix aussi qui sera là, le DJ international qui remplit tous les grands stades du monde avec un show rempli d'effets studio. MHD, un parcours atypique et très rapide. Il commence avec le groupe 19 Réseau, mais se sépare d'eux pour créer la voix de l'afro-trap. Mélangeant ces deux cultures musicales, il cherche à mettre en valeur ses origines africaines au travers de codes de la musique urbaine actuelle. Il a sorti au total 10 afro-trap qu'on peut retrouver sur YouTube. On peut aussi l'écouter sur son dernier album 19, une référence à l'arrondissement de son enfance. Il sera Vieilles Charrues. Ah, j'aime bien. Le DJ le DJ préféré des Français, c'est Petit Biscuit. Il sera là aussi avec chaque morceau un hit incontournable. Il sera aux Vieilles Charrues à Carré. Voilà Squall, vous avez le même nom, mais pas du tout le même style avec toi, moi. Moi, c'est le cri déterminé d'un jeune du quartier de la banane qui est d'abord passé par la case prison avant de tout donner pour s'en sortir. Il buzz avec un son par semaine pendant plusieurs mois en 2017 et sort son album Bandolero en 2018. Les marques en raffolent et il devient l'égérie officielle de Lacoste. Moi, c'est un des artistes les plus prometteurs de 2009 d'après les spécialistes et c'est dans notre festival breton qu'il sera le week-end du 18, 19, 20, 21. Gringe, le rappeur aussi acteur que l'on a connu au sein des Casseurs Flotteurs aux côtés d'Orelsan. Il vient d'ailleurs sortir son album début novembre. Il sera aussi à Carré pour les Vieilles Charrues. Folk, rock, gospel, blues et encore reggae. Cet homme aux mille talents revient aux Vieilles Charrues, accompagné de Innocent Criminals. C'est Ben Harper. On pourra aussi retrouver le duo belge Caballero Jean Jess qui en ce moment rafle tout avec leur album Double Hélice 3 sorti cet été. On aura l'occasion de clôturer l'émission avec un de leurs sons tout à l'heure. Mais pour l'instant, Mao, est-ce que t'as encore un son à nous proposer? Alors j'ai Janis Joplin, Cosmic Blues. Et ben on s'écoute ça tout de suite, c'est le deuxième son de l'invité. A tout de suite sur Large. Better, babe, and I can't help you no more. Well, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. De retour sur l'Arche, de retour dans l'atmosphère. Merci de nous avoir écoutés dans cette émission exclusive pour Mao. On va finir cette émission. On a parlé d'actualité des vieilles charrues. On a eu, la chance d'interviewer Mao un peu sur son passé, sur ses projets futurs. Voilà, l'émission touche à sa fin. Allez retrouver le podcast, il est disponible sur la page Facebook @atmosphère et aussi dans la biographie Instagram. Il y a juste à cliquer sur le lien, vous pouvez retrouver l'émission en entière. Et après, il y a toutes les vidéos qui vont sortir, etc. On a tout filmé avec Adam Sommer, allez voir aussi sur Instagram. Et on l'a reçu l'autre jour dans l'émission aussi. Vous pouvez réécouter l'émission qui est toujours disponible en podcast. Et merci à lui de faire les photos pendant l'émission. Merci beaucoup. Donc retrouvez prochainement sur l'Instagram, Facebook de l'émission Atmosphère toutes les photos, toutes les vidéos de cette émission. Ce sera avec plaisir qu'on va revenir après les fêtes. Ouais. Pour de nouvelles, émissions, de nouveaux invités. N'hésitez pas donc à nous suivre pour savoir un petit peu l'actualité de l'émission, savoir quand est-ce que sera publiée la prochaine émission. Merci à toi Mao d'être venu. Eh ben c'était un plaisir, merci à vous. Bah pas de souci, et n'oubliez pas du coup de retrouver son EP qui est disponible sur les plateformes de streaming. C'est sur ça. YouTube aussi, Mao, M-A-O avec une petite barre. Un haut barré. Et taper Dance pour retrouver son dernier clip. C'est ça, tourné à Paris. Allez voir aussi, il y a dans l'actu, il y a les vieilles charrues aussi, allez voir, réservez vos places. Il y a aussi l'album de Lions qui sort le 15 janvier aussi. On aura l'occasion sûrement de les recevoir dans l'émission pour parler de leur album. Je pense. Et merci à tous d'avoir suivi l'émission, merci à tous d'être fidèles à l'émission comme toutes les deux semaines. À peu près, ouais. Et puis, un de ces quatre. À bientôt. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. On s'envoie Caballero et Jean-Jacques pour finir cette émission en beauté. Toi-même, tu sais, nos poches sont peut-être vides, mais nos têtes sont pleines de rêves. Toi-même, tu sais, nos poches sont peut-être vides, mais nos têtes sont pleines de rêves. Toi-même, tu sais, yo. Toi-même, tu sais, yo. Dois faire, tu sais, yo. Dois faire, tu sais, yo. Toi-même, tu sais, nos poches sont peut-être vides, mais toi-même, tu sais. Je veux que que mes deux poches soient obèses. Comme le cul de Jennifer Lopez. Les chefs du monde nous ont trahis, mais fuck nous aussi on veut rouler dans vos pèses. Certains se battent comme Bruce Lee, d'autres sont dealers à Brooklyn. Combien de fois t'as été voir ton compte en rêvant qu'il y ait plus que des broutilles. Vous voulez les biatchs, le pouvoir et le fric, mais vous avez oublié de vouloir être libre. Et qu'est-ce qui t'a pris de prendre le mic et de chanter? Les gens détestent et te voient comme indigente. Et tu ne m'appelles même plus et chante et distant. Tu me juges alors que tu serais prêt à jeter ta daronne par la net feu. En échange du buzz à qui je pense. La prof m'a dit que j'ai moins d'avenir qu'une toilette usée. Heureusement que ces temps-ci ils pointent tous du doigt vers Bruxelles. Pas même tu sais. Nos poches sont peut-être vides mais oh, nos têtes sont pleines de rêves. Pas même tu sais. Nos poches sont peut-être vides, mais oh, nos têtes sont pleines de rêves. Toi-même, tu sais, yo. Toi-même, tu sais, yo. Je dois faire, tu sais, yo. Je dois faire, tu sais, yo. Toi-même, tu sais. Nos poches sont peut-être vides, mais oh, toi-même, tu sais. Avec les années, je me suis assagi. De plus en plus fort comme un Saiyajin. Je vais tout niquer, je vais faire des sous. Mais pas tout de suite, faut que je dessous des sous. Évidemment, depuis que j'ai le million de vues, je suis devenu un connard. J'ai des réponses de merde à vos questions de merde, je suis un collard. Ok mon pote, tu vas fermer ta gueule, tu vas liker mon pote. Y'a que deux personnes à ton concert, et elles ne pensent qu'à rentrer. Moi j'ai une file devant la salle, et elles ne pensent qu'à rentrer. On n'a pas rempli les pochons ensemble, on n'a pas de lien de parenté. Vis ma vie en 4K, vis ta vie en 240p. Toi-même, tu sais, yo. Toi-même, tu sais. Nos poches sont peut-être vides, mais oh, oh, nos têtes sont pleines de rêves. Toi-même, tu sais. Nos poches sont peut-être vides, mais oh, oh, nos têtes sont pleines de rêves. Toi-même, tu sais, yo. Toi-même, tu sais, yo. Je dois faire, tu sais, yo. Je dois faire, tu sais, yo. Toi-même, tu sais. Nos poches sont peut-être vides, mais oh, oh, toi-même, tu sais.